Chapitre 30. La mort seule aurait pu empêcher Fourcy d'aller le lendemain à Paris. Il se trouva avec Lucien à l'ouverture des bureaux de la banque. La vérification fut courte. La caisse n'avait bien eu aux mains que 16 mandats, le 17e détaché de la souche et portant le numéro 30150, ne figurait nulle part. Fourcy, Lucien et le caissier principal coururent à la Banque de France pour continuer les recherches commencées, car ce n'est pas l'habitude de la Banque de France de prévenir, jour par jour, ses clients des paiements qu'elle fait pour eux, et c'est tous les 20 jours seulement qu'il y a une vérification contradictoire de la part de la banque et du titulaire du compte courant. La recherche fut facile. Le mandat 30150 était de 300 000 francs, signé Fourcy et acquitté par James Marriott. Le vol était manifeste. Par qui avait-il été commis? On interrogea les employés de la première caisse, mais il y eut contradiction dans les réponses qu'on en put tirer. Pour les uns, ce James Marriott était un jeune Anglais de grande taille, à l'air raide et brutal. Pour un autre, ce n'était pas un jeune homme. C'était au contraire un vieillard à cheveux blancs qui avait toute la tournure d'un patriarche. Et personne ne voulait démordre de son opinion. Je me souviens parfaitement qu'il avait les cheveux noirs. Et moi qu'il les avait blonds. Et moi qu'il les avait blancs. À côté de ces observateurs, il y avait des employés qui ne se rappelaient rien et qui n'avaient pas fait attention à la couleur des cheveux de James Marriott, ni à sa taille, ni à son âge, ayant d'autres préoccupations en tête que de regarder les gens qui défilaient devant les guichets. Une autre question qui se présentait était celle de savoir si la signature de Fourcy était vraie ou fausse. Les employés de la banque soutenaient qu'elle était vraie et qu'entre cette signature et celle des 16 autres mandats, il n'y avait aucune différence appréciable. Fourcy convenait de cette parfaite ressemblance, mais il ne reconnaissait pas cette signature cependant comme la sienne, et la preuve qu'il donnait, aussi bien qu'il se la donnait à lui-même, il la trouvait dans ce fait que les mots 300 000 francs étaient, ou plutôt semblaient écrits par lui. Il avait signé des mandats, cela était certain. Il avait même rempli les blancs sur plusieurs, cela était certain aussi. Mais ce qui était tout aussi certain, c'était que sur aucun il n'avait écrit les mots 300 000 francs. Donc la signature n'était pas plus de sa main que l'inscription. Elles étaient l'une et l'autre l'œuvre d'un faussaire habile. Mais alors, comment ce faussaire avait-il pu se procurer ce mandat blanc? C'était la question qui se posait pour lui comme pour les autres. Lorsqu'il avait été question d'avertir la police, Fourcy avait manifesté une certaine répugnance à recourir à son aide, ce qui avait grandement surpris son caissier et les employés de la Banque de France. Cependant, il avait cédé. Alors, après toutes les explications données, la question de la police avait été la même. Comment le faussaire avait-il pu se procurer le mandat qu'il avait signé et rempli? Et Fourcy n'avait pu répondre que ce qu'il se répondait depuis la veille, c'est-à-dire qu'il n'y comprenait rien. Le premier jour, il avait signé 10 mandats. Le second, il en avait signé 6. En tout, 16. Et cependant, 17 avaient été détachés de la souche. Entre quelles mains le cahier avait-il passé? Entre les siennes et aussi entre celles de sa femme et de son fils. Lucien, présent, n'avait pu s'empêcher de détourner les yeux. Et à la rougeur qui tout d'abord avait empourpré son visage, avait brusquement succédé une pâleur mortelle. Si son père, qui le connaissait et l'aimait, avait pu le soupçonner, ces gens ne le pouvaient-ils pas bien mieux encore? Il leur fallait un coupable. Et dans ces conditions, vous n'avez pas de soupçon sur quelqu'un? Je n'en ai pas. Et cependant, il y a un coupable, évidemment, mais quel est-il? Où est-il? Je l'ignore et c'est ce que je vous demande de chercher. Nous le chercherons et il est à croire que nous le trouverons. Lucien aurait voulu que son père rentrât aussitôt à Nogent, mais avant de quitter Paris, Fourcy avait besoin de voir M. Charlemont, à qui il devait annoncer ce vol. Il se rendit donc rue Royale. « Veux-tu que je monte avec toi ?» demanda Lucien. Mais cette offre que son affection filiale lui inspirait n'était pas sans le troubler. Quelle contenance prendrait-il si M. Charlemont le regardait avec les mêmes yeux que les gens de la police? Si fort qu'il fût de sa loyauté et de son innocence, il sentait très bien qu'on pouvait, que même on devait le soupçonner, et cela lui causait de lâches angoisses. Mais Fourcy n'accepta pas son secours. « Je passerai au bureau avant de rentrer, et si j'ai besoin de toi, tu m'accompagneras. » Justement, M. Charlemont venait de rentrer. « Toi, à Paris ? » dit-il en voyant entrer Fourcy. « Tu vas mieux, alors ?» Mais en le regardant, il comprit qu'il devait se tromper. Fourcy était pâle, ses yeux avaient une fixité étrange. Les sourcils se tenaient relevés, et des rides profondes creusaient des sillons dans le front. « Serais-tu plus mal ?» demanda M. Charlemont. « Je suis sous le coup d'une émotion terrible. On vient de nous voler 300 000 francs. »« Oh oh, et comment cela ?» Fourcy expliqua ce comment, ou plutôt il expliqua qu'il ne pouvait rien expliquer. M. Charlemont était beau joueur. Il avait perdu et gagné des sommes considérables sans se laisser jamais émouvoir. Il écouta donc le récit de Fourcy sans se troubler, en le suivant de point en point et en le classant méthodiquement dans sa mémoire. « On t'a dérobé un mandat, dit-il, lorsque Fourcy fut arrivé au bout de son récit. C'est clair comme le jour. Ce qui n'est pas clair, c'est la façon dont le vol a été commis. Tu dis que personne n'a eu le cahier de mandat entre les mains ? Personne d'autre que ma femme et que Lucien. C'est là ce que j'appelle personne. Ce n'est pas ta femme qui a détaché un de ces mandats. Évidemment, ce n'est pas non plus Lucien. Fourcy laissa échapper un soupir de soulagement. Ton fils est un loyal garçon et le soupçonner serait une indignité aussi bien qu'une absurdité. M. Charlemont avait jusque-là parlé nettement avec son ton ordinaire, mais il baissa la voix et il hésita dans ses mots comme s'il les cherchait. Pour que ce mandat ait été dérobé, il faut qu'on l'ait pris dans le bureau de ta femme. « Mais qui ? Probablement ce n'est pas un domestique, car je ne crois pas que tu aies des domestiques qui connaissent les mandats blancs et l'usage qu'on peut en faire. C'est donc quelqu'un qui connaît les affaires de banque. N'est-ce pas ton sentiment ?» Fourcy n'osa pas répondre. M. Charlemont baissa encore la voix et s'approchant de Fourcy. « Où était Robert ? Dit-il. Fourcy poussa un cri. « Mon cher monsieur Amédée, ne laissez pas votre esprit aller jusqu'à une pareille supposition. Vous en seriez trop malheureux. Vous ne savez pas quelle honte et quel remords ce serait pour vous. Ce que vous me disiez tout à l'heure de mon fils, je vous le répète en l'appliquant au vôtre. Robert est un loyal garçon. Le soupçonner serait une indignité. Depuis que nous nous sommes vus, j'ai eu la visite de Robert. Sais-tu ce qu'il m'a demandé ? 300 000 francs pour la femme qu'il aime. 300 000 francs, murmura Fourcy, atterré. Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai demandé où était Robert ? Mais Fourcy ne resta pas longtemps anéanti sous cette révélation. Peu à peu, il se redressa. Soyez sûr, dit-il, qu'il n'y a là qu'une mystérieuse coïncidence, rien de plus. De ce qu'il vous a demandé 300 000 francs, et que c'est de 300 000 francs aussi qu'on a fait ce faux mandat, il ne s'ensuit pas qu'il est l'auteur de ce faux. Tu conviendras que les apparences l'accusent avec une force terrible. Mais d'autre part, elles le défendent aussi, car il y avait impossibilité matérielle à ce qu'il pût prendre ce mandat, si l'on admet qu'il en était capable, ce que pour moi je n'admettrai jamais. Où sont-elles ces impossibilités ? N'habitait-il pas chez toi ? Le cahier de mandat a été placé par ma femme dans son bureau fermé à clé. Et si ta femme n'a pas bien fermé ce bureau ? Ou si elle a laissé la clé sur la serrure. Mais ce bureau est dans la chambre de ma femme, et cette chambre est en communication directe avec la mienne, par une porte qui est restée ouverte. Ma femme et ma fille ne m'ont pas quittée. Enfin, c'est avant-hier matin que j'ai détaché les 10 mandats précédant le 30 150, et c'est avant-hier matin aussi que Robert a quitté nos gens. Justement, ne l'a-t-il pas quitté après avoir détaché le mandat ? Mais je vous explique précisément que c'est impossible, puisqu'entre le moment où j'ai remis ce cahier à ma femme pour qu'elle le serre et celui où Robert a quitté la maison,